Make it work, make it worse, make it go, make it stop, let it stop, let it work, let it be, let it see, let it work, make it work. Make it work, le théâtre des négociations. Conférence d'ouverture et cérémonie de clôture. Enregistrée en public, les 29 et 31 mai au théâtre de Nanterre-Amandier. Nous avons rêvé un théâtre, Nathalie Vimeux, qui n'ignore pas les inquiétudes et les doutes de la société, qui ne prétend pas non plus régler par un coup de baguette magique tous les problèmes de la société, mais qui propose sur les plateaux d'autres mondes possibles. Et c'est bien l'un des enjeux de cette simulation de la conférence internationale climat qui va se dérouler en décembre 15 à Paris. Il y a 200 étudiants qui vont, pendant ce week-end, réinventer la représentation et la négociation de cette conférence climatique, qui vont, nous l'espérons, arriver à un bon accord et qui, pendant ces 3 jours, vont jouer des rôles, réinventer ces négociations pour trouver une solution, montrer les lignes de fracture qui se dessinent pendant ces négociations dans le cadre de la COP21. Quand Philippe a accueilli les 200 étudiants qui viennent donc de Sciences Po et du monde entier, mardi au théâtre, il leur a rappelé qu'à quelques centaines de mètres du théâtre, à Nanterre, à l'université de Nanterre, se sont inventées les premières pensées et réflexions de mai 68. Il s'agissait en 68 de changer la société. Ce qui est toujours utile aujourd'hui, et aujourd'hui, il faut en plus sauver la planète, un vaste programme. Et le théâtre était le lieu idéal pour aborder ces questions qui peuvent paraître parfois un peu arides, ces questions climatiques, les aborder avec une approche sensible, artistique, humaine, parce que le théâtre, c'est aussi la rencontre d'une communauté d'êtres humains. Alors je tiens à remercier Bruno Latour, Laurence Toubiana, Frédéric Aïtouati, également bien sûr Sciences Po qui s'est lancé dans cette aventure avec beaucoup de courage parce que c'était une aventure aussi assez particulière pour une école. Les SPIP, ce laboratoire de Bruno Latour attaché en Sciences Po et qui était en résidence au théâtre toute cette saison. Et je vais passer la parole à Frédéric Millon. Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup Nathalie de cet accueil. On m'a dit que ce discours devait être fait en français, mais do some of you in the audience understand only English? Non, tout le monde parle français. Ah, a few, ok. Dès l'annonce de cette conférence de Paris qui se tiendra, Nathalie nous l'a rappelé, en décembre prochain au Bourget, un grand nombre d'acteurs de notre établissement ont souhaité rassembler leurs efforts, rassembler leurs énergies pour porter un projet pédagogique et scientifique qui soit à la mesure des enjeux de cette conférence. Et c'est ainsi que nous avons lancé, il y a maintenant plus d'un an, un programme intitulé Paris Climat 2015 Make It Work, un programme qui se poursuivra après les événements que nous vivons ces jours-ci et qui se déroulent dans ce théâtre, qui se poursuivra jusqu'à la conférence de décembre. International et pluridisciplinaire, ce théâtre des négociations est vraiment l'illustration, je crois, la meilleure qui puisse être, du projet pédagogique qui est inscrit au cœur de la mission de Sciences Po. Il place les étudiants au centre du dispositif, ils sont les acteurs du moment que nous vivons. Il met la théorie à l'épreuve de la pratique, les idées aux prises avec la réalité, et il fait une place de choix au pouvoir d'élucidation, au pouvoir de transformation qui est propre à toute expérience artistique. Et si nous n'avions qu'une demande à leur faire, ce serait « Please, please, make it work ». Merci beaucoup et bonne soirée. Bonsoir. Qui je suis d'abord ? Who I am. Je suis Laurence Toubiana, une des participantes à cette aventure. Et je suis en même temps, les circonstances m'ont voulu, la négociatrice française pour conduire la négociation pour trouver l'accord à Paris en décembre 2015. La mathématique appliquée à la politique n'a pas vraiment fonctionné. La politique pure, les intérêts économiques purs, ça n'a pas non plus fonctionné. Et c'est pour ça qu'en 2015, l'essentiel, c'est de se dire il faut connecter beaucoup de bouts pour cette énorme tâche qui est celle d'embrasser une action collective qui dépasse les intérêts de souveraineté nationale, qui dépasse les intérêts économiques, mais qui n'est pas non plus une mécanique, une équation où on se divise ce qui reste à polluer, qu'on se le partage et qu'on cherche une formule impossible à trouver entre l'équité et l'efficacité environnementale. Eh bien, en 2015, il faut faire complètement différemment. Il faut qu'on fasse entendre des voix qui ne sont pas entendues d'habitude, qu'on casse cette fameuse notion de souveraineté des États qui a vraiment plombé, si on peut dire, qui a enserré cet accord de Copenhague dans quelque chose qui est finalement devenu très limité. Donc il faut qu'on fasse surgir ceux qui ne sont pas à la table. Première réaction, les organisations non gouvernementales, les peuples indigènes, les villes. Et déjà, donc, les entreprises, elles sont là. Il vaut mieux qu'elles soient à la table plutôt que derrière, dans les coulisses. Il faut qu'on les entende, qu'elles disent leurs problèmes. Il faut que chacun dise ses problèmes. Donc, complexifier déjà les acteurs, je dirais, humains. Et puis, et c'est l'apport de Bruno, de dire, il y a les acteurs non humains. Alors, oui, cette histoire de changement climatique, c'est une addiction, parce que c'est l'addiction du changement, parce qu'on a besoin de changer ce monde, parce qu'on peut inventer des choses. Et que, encore une fois, la religion de l'université, Dieu merci, la mienne, celle de Bruno, bien d'autres, c'est que la connaissance et l'innovation, ça peut changer le monde. On comprend le monde pour le changer et on en apporte des idées pour le changer. Merci. Mrs. the President, Mr. the Vice President, Honorable Secretariat, Honorable Delegates, Members of the Public. Bruno Latour. Il y a quatre innovations importantes que je voudrais présenter au public. La première innovation, c'est de commencer 8 mois avant. Ça, c'est très important. Pourquoi est-ce qu'on négocie des diplomates pour la 21e fois de suite sur des sujets extrêmement obscurs de CO2 dans l'atmosphère ? Personne ne comprend. Donc il faut absolument prendre les choses bien avant et ouvrir la discussion sur cette question avant que tout le monde se reconcentre sur cette réussite ou cet échec de la conférence de Paris. La deuxième innovation, c'est une innovation de procédure. Les États-nations sont une des parties dans la négociation qui s'appelle COP, Conference of Parties, conférence des parties. Les parties ne sont pas que des États. C'est-à-dire que vous avez ici, vous l'avez vu et vous allez le voir encore, des membres qui sont à égalité d'autorité et de souveraineté avec les États-nations. Les États-nations sont une création relativement récente et ils ne sont pas du tout adaptés aux questions qu'ils posent. Et donc il faut arriver à leur mettre, évidemment dans une fiction, qui est celle de la simulation, une égalité de souveraineté pour voir ce qu'il se passe lorsque les États sont en quelque sorte affrontés à des êtres collectifs, les peuples indigènes, des êtres non humains, les forêts, etc. Et déjà, je pense que la réussite de cette opération est complète lorsque hier, au moment de leur inauguration, de leur première séance, on a vu s'afficher dans l'ordre alphabétique forêt, ensuite France. Ça, c'est quand même sensationnel. Donc ça, c'est une découverte, je pense, extraordinaire. Troisième invention, les délégations ne sont pas unanimes. Les délégations doivent être capables d'avoir des loyautés divisées. Sur les sujets d'écologie, nous sommes tous divisés. Personne ne peut avoir une opinion unanime sur des questions aussi complexes et des questions qui nous traversent intérieurement, constamment, qu'il s'agisse de manger, de nous se transporter, d'avoir des enfants, de planter des arbres, de comprendre quelque chose à l'atmosphère. Nous ne pouvons pas être unanimes. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, qui est quelque chose d'encore plus extraordinaire, c'est de décider que les délégations éclateraient en fonction des intérêts, des passions, des désirs et des territoires des membres de la délégation. Donc chaque délégation, des 42 délégations, il y a 5 personnes dans chaque délégation, se sont réparties en fonction de leurs affinités et de leurs des mondes possibles qu'ils imaginent. Quatrième innovation, par contre, on ne va pas s'intéresser finalement au climat. Le climat, ça n'intéresse finalement pas beaucoup de monde. Pourquoi ? Parce que le climat, c'est la conséquence lointaine d'une multitude de décisions qui sont traitées finalement soit dans d'autres enceintes, soit pas traitées du tout. Et donc, la proposition a été faite de dire non, c'est pas le climat qui nous intéresse, c'est pas la quantité de CO2, ce sont les causes de toutes les décisions que vous prenez qui ont ensuite, très tardivement, une influence sur la quantité de CO2 et donc une influence sur le climat, mais en quelque sorte trop tard. On essaie de traiter une conséquence lointaine, mais pas les causes prochaines. Et donc, l'idée, c'est que chacun des délégués dans les délégations et chaque délégation a proposé, non pas simplement quantité de CO2 limitée, mais une vision de comment ils vivraient, comment leur économie se développerait en 2030 ou en 2050. Et donc, je crois que c'est ça qui m'a beaucoup ému dans cette extraordinaire expérience, c'est que c'est à cause du système qui a été inventé par les étudiants du secrétariat et de SPIP pour faire que tous les êtres qui sont, en fait, qui ont une stake, un poids dans la négociation soient à égalité, ça veut dire qu'on ne peut pas se tourner vers une autorité supérieure. On ne peut pas dire, finalement, il y a un gouvernement mondial qui faudrait qu'il soit là et qui attribue des activités aux uns aux autres. Il n'y a pas de gouvernement mondial, il n'y a pas non plus la nature qui nous unifierait. Rien ne peut nous unifier. Et donc, on ne va pas non plus se mettre, en quelque sorte, sous la dépendance du marché, des lois du marché, en disant, au moins, elles vont nous unifier. Non, ni la nature, ni les sciences, ni le gouvernement mondial, ni le marché ne peut nous unifier. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On le fait en vrai. Et la chose la plus extraordinaire de cette négociation jusqu'ici, et encore une fois, cette négociation peut rater, c'est ça l'intérêt de la négociation, c'est pour ça que c'est une vraie simulation, une vraie expérience, c'est que les négociateurs ne jouent pas. Ils sont dans la situation elle-même. Et ça, c'est le pouvoir de la fiction. Le pouvoir de la fiction, c'est de créer des conditions artificielles pour être complètement réaliste. Et c'est ça qui est très beau. Et je vous remercie d'être tous là. Et je pense qu'on avait raison d'avoir un public. Merci. Cérémonie d'ouverture. Algérie. Amazonie, atmosphère, Australie, Bangladesh, Brésil, Canada, Chine, ville, réfugiés climatiques, Congo, Équateur, espèces en danger, Éthiopie, Union européenne. Forêt, France, Inde, peuple indigène, institution de régulation internationale, Internet, Iran, Japon, secteur majoritaire de l'économie, Maldives, Mexique, ONG, Niger, Océan, Pérou, Philippines, Pologne, région polaire, Russie, Sahara, Arabie Saoudite, sol, Afrique du Sud, pétrole non extrait, Royaume-Uni, États-Unis, jeunesse. Dear parties to the convention, honorable delegates, esteemed guests, Mesdames et messieurs les secrétaires exécutifs de la Convention, chers et chers collègues, honorables délégués, it is indeed an honor for me to c'est un honneur en effet pour moi as president of the 21st d'être votre présidente pour la 21e conférence des parties. The negotiations have started. Les négociations ont commencé. We are all gathered here nous sommes tous réunis ici pour imaginer un futur commun. New parties are present, de nouveaux protagonistes sont présents, des protagonistes représentant des nations, mais également des partis non étatiques. However, you must remember that you are also vous devez garder à l'esprit que vous êtes ici aussi en tant qu'individu confronté à des problématiques et des intérêts complexes. Nous pensons que les difficultés que vous avez rencontrées lors des négociations sont en partie liées au fait que vous n'avez pas trouvé votre espace, votre voix, vos alliés, votre territoire, vos institutions. C'est pourquoi nous sommes réunis ici, parce que le temps est venu pour nous d'expérimenter de nouvelles pratiques de négociation. Comme vous le savez tous maintenant, le changement climatique n'est pas qu'une question d'émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi une question économique, politique et sociale. Il faut trouver des idées pour protéger nos territoires, les territoires dont nous dépendons. Vous pourrez désormais apporter vos innovations aux négociations. Celles-ci ne seront ni modérées, ni encadrées, ni calculées, ni garanties. Tables, boards, chairs, tables, chaises, images, tableaux, personnes, tout est à votre disposition. Créez votre propre espace, contribuez, échangez de façon véritablement collaborative, sincère. Nous devons réfléchir. Why have we failed so far? Pourquoi avons-nous échoué jusqu'ici? What does it mean to build a future together? Que signifie bâtir un avenir ensemble? What are negotiations about? Sur quoi portent les négociations? We are here to arrive at a common Nous sommes là pour créer une vision commune de l'avenir. Negotiating should not Négocier only ne devrait pas se limiter take. À une question de concession There are réciproque. Actions we can take together. Nous pouvons agir ensemble. How can we conceive of peace? Comment pouvons-nous concevoir la paix si nous ne nous partageons pas nos communs? So let's begin from the beginning. Commençons par le début. There is a question Il y a une question que nous devons nous poser. What is climate change? Qu'est-ce que le changement climatique? Climate change Le changement climatique is the result of est la conséquence actions. De notre histoire. We must study the nous devons past to look étudier into the le passé pour envisager l'avenir. Climate is changing all the time. Le climat est en perpétuel However, changement. This is not Cependant, a il ne s'agit phenomenon. Pas tant d'un phénomène naturel But rather a question of que d'une question de volonté politique. The real influence La véritable cause du changement climatique, us. C'est nous. It is about the way we live Comment nous vivons climate, avec le climat, with and in avec the world. Et dans le monde? What does this change implicate? Qu'est-ce que ce changement implique? What are the actions that have driven Quelles actions us nous ont menés où nous sommes? Can we still speak of Peut-on resources? Encore parler de ressources? Can we not reconfigure Ne pouvons-nous pas what we reconsidérer ce que nous appelons généralement ressources, comme nos communs? Climate is le climat est une architecture, and we influence it. Nous l'influençons. And therefore, De ce fait, we have nous devons to cooperate. Collaborer. Thank you. The president would now like to call La présidente on the souhaiterait maintenant appeler les partis de la convention à venir présenter leur discours d'ouverture. Atmosphère. La délégation de l'air et l'atmosphère vous invite à tenir votre respiration pendant ce discours qui durera quelques secondes, mais vous permettra de réaliser peut-être certaines choses. Aujourd'hui, il n'est plus soutenable de prendre l'air et l'atmosphère pour acquis. La pollution est un grand danger, la qualité de l'air un grand enjeu, et appelle aujourd'hui à l'action. En tant que délégation non étatique, centrée sur la représentation du bien global, universel, nous envisageons un air pur et sain pour tout le monde. Pour cela, nous avons besoin de la collaboration de plusieurs parties prenantes qui sont égaux, qui cherchent à s'entendre, qui cherchent à se comprendre. Et nous avons besoin de compromis, nous avons besoin d'ambition et d'engagement pour le futur. C'est ainsi que nous pourrons tous ensemble respirer. Australie. La délégation australienne reconnaît l'existence et toute l'actualité du réchauffement climatique et soutient les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau global et national. Nous reconnaissons que le réchauffement climatique a des effets spécifiques sur chaque partie prenante et en tant que tel, tout accord doit respecter les situations et les possibilités nationales, qu'elles soient environnementales ou autres. En conséquence, nous cherchons un accord global ambitieux basé sur un ajustement pondéré des efforts de réduction de carbone qui est compatible avec une croissance économique durable. Merci. China. Chine. 尊敬的大会组织方、各位代表、到场的嘉宾以及亲爱的媒体朋友们，大家晚上好！很荣幸能够在此介绍中国代表团的立场。近几年来，中国一直积极地回应气候变化问题，因为我们不仅仅把它看作是一场威胁，而相反，我们更把它看作是一场契机。 一场可以让我们实现可持续发展以及能源结构重整的契机。我们衷心的希望能够通过大会组织方以及各位代表的协同努力，能够以一种创新的方式来为气候变化的诉求提供一些新的思路。谢谢 Maxi。 Cities, villes. Bonsoir. D'ici 2050, 70% de la population mondiale vivra en ville. Si la ville est considérée comme une des principales émettrices d'émissions de gaz à effet de serre, elle est aussi une des principales victimes du changement climatique. Mais elle est également un espace porteur de solutions, un laboratoire d'innovation, mais également et surtout l'échelle la plus pertinente, la plus efficace et la plus adaptée pour lutter contre le changement climatique. La ville est notre futur. Ethiopia. Éthiopie. Mr. President, honorable delegates, why are you all here? Pourquoi vous êtes ici? Because really, what is the point of any of this if it doesn't work? And I don't mean work in the sense of getting into the newspapers, getting interviewed, getting internships, getting jobs, keeping our jobs, getting re-elected. What is the point if none of this works? People die, all right? People are going to die if we don't sort this out. I was meant to be reading off this script and now I'm just going for it because I'm really annoyed. I've been watching, there's teddy bears, there's babies, there's... Honestly, Ethiopia is my delegation and for us it's real. Climate change is happening now. For all of you, it's something that's going to happen in the future. It's an abstract concept that we don't have to think about until we can't turn the lights on anymore. But for everyone else, in the vulnerable communities that Ethiopia is here to stand in solidarity with, it's real, it's happening now, and we need to do something about it. So no more hashtags, no more games, no more just we need to actually make it work, and by making it work, I mean saving people's lives. Okay, thank you very much. France. France. En France, nous aimons la révolution. La plus connue de 1789 nous a marqué au plus profond de notre identité. Liberté, égalité, fraternité. On s'en souvient encore, c'est même notre devise nationale. Aujourd'hui, face au problème du changement climatique, on doit remettre en place ce genre de révolution. Humilité, diversité, responsabilité. Voici notre nouvelle devise nationale. Humilité, car il faut repenser notre place dans la nature. Diversité comme principe cardinal de préservation, responsabilité face au changement climatique. Donc, on va y aller, on va le faire, on va être brave, on va réussir. So, we have 24 hours, so tomorrow we'll do it. Thank you. Maldives. Maldives. Si tous les hommes sont libres et égaux, ont droit, tous les États ne le sont pas face au dérèglement climatique. La preuve en est que les Maldives sont sur le point de disparaître. Et oui, cher public, vous devrez chercher d'autres destinations pour vos prochaines vacances. Nous exigeons de la communauté internationale la mise en place d'un traité contraignant relatant du statut légal des réfugiés climatiques pour que nous puissions continuer à exister en tant que nation. Merci. Mexico. Mexique. Querido público, COP 15, COP 16, y lo que logró México fue realmente crear una cosa muy importante y fue que todos los países incluyeran en el texto de las negociaciones el límite de 2 grados a la temperatura y también el fondo verde. Y también México logró el liderazgo para generar la confianza en las negociaciones. Entonces, por eso no nos podemos dar por vencidos. Tenemos realmente que generar un consenso y es un acuerdo ambicioso y de innovación. Pero para que esto tenga éxito, tendremos nosotros, todos los delegados, que hacer 3 cosas muy importantes. Hablarnos con franqueza, hablarnos con sinceridad y con transparencia. Pero como decimos en México, sí se puede. Polar regions. Régions polaires. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes les régions polaires. Nous sommes, en quelque sorte, votre système d'alarme. L'Arctique et l'Antarctique se réchauffent 2 fois plus vite que la moyenne planétaire. La fonte des glaces contribue et contribuera non seulement à la montée du niveau des eaux des océans, mais également à l'aggravation du réchauffement climatique à cause des cercles vicieux et du dépassement de certains points de non-retour. À ces négociations, notre objectif est d'arriver à un accord permettant d'atteindre l'objectif des 2 degrés. Nous pouvons et nous devons y arriver. Merci. Sahara. Sahara. Le Sahara est un territoire. Un territoire qui a de nombreuses frontières, mais qui pourtant n'en a pas. Un territoire qui doit avoir une voix, comme il en a ce soir. Le Sahara ne cherche pas à remettre en cause la souveraineté des États. Il cherche à être reconnu en tant que partenaire pour coopérer autour des enjeux environnementaux transnationaux. Seul un dialogue incluant tous les niveaux de gouvernance peut sauver nos populations. Nous devons agir ensemble, maintenant, pour sauver notre futur. Merci. Soil. Sol. Les sols sont à la base de toute activité humaine. Et pourtant, les sols disparaissent sous l'effet de la désertification, de l'érosion ou de l'artificialisation. Mais les sols ne sont pas qu'une menace. Les sols sont aussi le troisième réservoir de carbone de la planète après la lithosphère et les océans. Et la bonne nouvelle, c'est que nous connaissons très bien les pratiques agricoles et forestières qui permettent de stocker du carbone dans les sols à très courte échéance. Par exemple, en plus d'améliorer leur fertilité, améliorer de seulement 4 pour 1000 la teneur en carbone des sols permettrait de compenser une année d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Vous voyez donc que la délégation des sols vient avec des solutions concrètes porter la voix des sols dans ces négociations climatiques. Merci beaucoup. United Kingdom, Royaume-Uni. La lutte contre le changement climatique n'est pas qu'une question philosophique de responsabilité à l'égard des générations futures ou de la planète. C'est notre santé, notre alimentation, notre modèle économique qui sont déjà en danger aujourd'hui, et ce n'est pas seulement en Éthiopie ou au Pérou aujourd'hui. Il est difficile d'aller courir au bord de la Tamise sans suffoquer. La transition écologique n'est pas l'ennemi du libéralisme. Elle est la condition de sa survie. Elle n'est pas un choix politique, mais un impératif économique que les marchés intègrent petit à petit. C'est sur cette lancée positive qu'il nous faut continuer, en encourageant la prise en compte du développement durable dans nos modèles économiques, sans nous laisser diviser par la bataille des chiffres et le débat sur les responsabilités passées. Chers délégués, ne laissons ni le fatalisme, ni l'idéalisme faire échouer ces négociations. Merci. And last but not least, youth. Jeunesse. Nous n'avons pas quitté l'âge de pierre parce que nous n'avons plus de pierre. Non aspettiamo dunque di essere a corto di vivibilità su questo pianeta. Wkrótce zabraknie nam czystej atmosfery, wody a ziemi. 在我哋用完化石燃料之前，等我哋一齐谂下点样走出化石燃料嘅时代。 So listen to youth, not because we are the future, but because now, today, we are already thinking and acting in new ways. Thank you. Hausse du niveau de la mer. The sun does not lie. Baisse des rendements agricoles. Smog. Sécheresse. Acidification. Inondation. Invasion de parasites. Tropical cyclones. Ouragan. Feux de forêt. Fonte du permafrost avec dégagement de méthane. Extinctions. Etc. Nous sommes la catastrophe. Certains, Ils s'attendaient à un truc beaucoup plus expérimental et finalement, ils ont été très surpris de se retrouver dans quelque chose de si classique. Et j'ai le sentiment qu'ils ont essayé le classique aussi, ils sont retombés là-dedans, naturellement aussi, de même, et qu'en fait, beaucoup ont voulu le faire sauter, ce truc-là. Et en fait, depuis deux jours, je dirais que c'est une sorte de scission dans les négociateurs eux-mêmes, entre ceux qui s'accrochent au modèle classique, procédural, parce que c'est comme ça que ça fait sens, c'est comme ça que c'est sérieux, et les autres qui ont essayé maladroitement de faire des tentatives pour le rendre plus expérimental, pour amener des nouvelles réponses, en fait. Genre, j'avais une étudiante hier qui me racontait que tous ces arguments, pourquoi elle trouvait ça modèle classique, parce qu'elle me disait, mais en fait, je me rends compte que il y a des mots, on parle de well-being, humanity, social welfare. Et elle me dit, mais ça veut rien dire, il faut qu'on définisse ces mots. Et dans tout son processus de démonter ce texte, tout d'un coup, elle me disait, mais même, pourquoi on doit arriver à un consensus? Est-ce qu'un consensus, ça veut dire une réponse unique? Le global, cette illusion de l'universel est du même? Ou est-ce qu'on peut pas être dans le multiple, différentes visions qui peuvent, les dissensus peuvent faire consensus? Et en fait, c'était assez beau de voir ça. Et je l'ai regardé, je lui ai fait, bah maintenant que tu viens de démonter tout le principe de la COP21 ou de faire une simulation, transpose tous ces arguments sur le changement climatique, c'est exactement ce qui est en train de se passer. En fait, moi j'avais ce sentiment là, c'est-à-dire que, en dehors, tous ces négociateurs hyper motivés, envie de faire quelque chose, envie de changer, pas la trouille, allons-y. Et tout d'un coup, le truc commence. Et tout d'un coup, il y a le costume. Et tout d'un coup, on retombe dans des procédures. Et on retombe sur un écran avec un Word. On retombe sur option A, crochet 1A, 2-2. Et c'est comme s'il y avait lettre de l'ONU qui les possédait, quoi. Lettre procédurale. Et tout d'un coup, on argumente pendant 3 heures si on met une virgule ou pas. Je n'ai plus envie de monter. L'imposant édifice de la société qui se dresse au-dessus de ma tête ne recèle plus aucun délice à mes yeux. Ce sont les fondations de l'édifice qui m'intéressent. Là, je suis content de travailler, la barre à mine à la main, épaule contre épaule avec les intellectuels, les idéalistes et les ouvriers qui ont une conscience de classe. Et nous donnons de temps en temps un bon coup de cette barre à mine pour ébranler tout l'édifice. Un jour, lorsque nous aurons un peu plus de bras et de baramines, nous renverserons l'édifice. Lui et toute sa pourriture et ses morts non enterrés, son monstrueux égoïsme et son matérialisme abruti. Puis nous nettoierons la cave et construirons une nouvelle habitation pour l'humanité. Là, il n'y aura pas de salon. Toutes les pièces seront lumineuses et aérées, et l'air qu'on y respirera sera propre, noble et vivant. Telle est ma vision. J'aspire à un temps où l'homme aura une perspective plus haute et plus vaste que son ventre. Un temps où l'homme sera poussé par un stimulant plus intéressant que le stimulant d'aujourd'hui, qui est celui de son ventre. Je conserve ma foi en la noblesse et l'excellence de l'être humain. Je crois que la douceur spirituelle et la générosité finiront par avoir raison de la grossière gloutonnerie actuelle. Pour conclure, ma foi va à la classe ouvrière. Comme le disait un Français, l'escalier du temps résonne à jamais du bruit des sabots qui montent et de celui des souliers cirés qui descendent. Jack London, ce que la vie signifie pour moi, novembre 1905. Dans la délégation de l'Union Européenne, je représentais la société civile Climate Action Network. On s'est regroupé cette nuit avec des entités, après avoir donc vachement réfléchi sur toute l'expérience qu'on avait menée cette semaine. Et en fait, on a distingué 3 étapes qui nous ont marquées pendant cette semaine. C'est qu'au début, en fait, on a mis des nouvelles entités autour de la table. donc pas seulement les États, mais aussi voilà, des entités non humaines, des océans, etc., en pensant que c'est ça qui allait modifier le résultat des négociations. Et dès le lendemain, on s'est rendu compte qu'on aboutissait toujours au même blocage, qu'en fait, les entités qui représentaient des non-humains avaient des postures d'État-nation, donc avec une souveraineté, avec des lignes rouges. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, on continue à taper la tête contre le mur. Donc on s'est dit, il faut qu'on sorte du cadre légal du texte, puisqu'en fait, c'est pas les acteurs qu'on met autour de la table qui posent problème, c'est la manière dont on négocie tous ensemble. Donc du coup, on s'est dit, on va tous se séparer, se réunir donc entre entités, c'est ce qu'on a proposé aussi dans le bal des entités, et voir comment on peut atteindre une vision commune qui était notre objectif. Et là, patatras, on se rend compte à nouveau qu'on n'y arrive pas. On n'aboutit pas à une vision commune. Et du coup, on se dit, mais est-ce qu'on peut faire un consensus sur la vision commune qu'on a du futur, alors que toutes nos entités n'ont même pas une vision commune du présent ? Parce qu'on a tous des préoccupations différentes, des inquiétudes différentes, des idées différentes, des priorités différentes. On ne va pas réussir à faire un consensus universel autour de ça. Donc il faut changer la donne, plus chercher en fait une manière de décider de manière globale, mais qu'en fait chaque entité se réunisse avec les autres acteurs qui lui semblent pertinents par rapport à leurs préoccupations et par rapport aux solutions qu'ils peuvent apporter à ça. Et en fait on fait des initiatives horizontales avec des acteurs différents, donc ça peut être une entreprise, une ONG, une ville, un État qui s'associent parce qu'ils vont travailler sur la même préoccupation. Donc là on a fait une déclaration autour de ça, qui décrit en fait ces quatre étapes de cheminement de réflexion et qui finalement aboutit avec deux ou trois principes clairs. Premièrement, il faut qu'on arrête de s'engager à s'engager. Donc on arrête de discuter sur le fait de s'engager, mais que maintenant on s'engage dans le terme s'engager dans l'action et qu'on prenne des initiatives et qu'on agisse pour des solutions. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est de reconnaître que nous, notre génération, on va être ceux qui vont devoir faire face au changement climatique. Et que pour faire face au changement climatique, il va falloir qu'on accepte qu'on se réunisse avec les personnes, donc c'est ce que j'expliquais, qui ont les mêmes inquiétudes et qu'on trouve des solutions communes en acceptant qu'on est tous une partie de la solution et sans vouloir imposer notre solution, mais accepter les solutions des autres. Accepter qu'une population indigène puisse avoir dans ses traditions une part de la solution comme une start-up hyper innovante peut en avoir une. Et donc c'est reconnaître finalement que on va continuer à discuter tous ensemble, mais que nos diversités, en fait, elles empêchent le consensus. Donc on ne peut pas avoir une vision commune, mais on a une commune richesse. Et on profite de cette richesse pour trouver des solutions adaptées à toutes les situations et qui finalement, on l'espère, nous aideront. Comment on fait, en fait, pour que tous ces acteurs se connaissent ? Comment ils font pour être informés des initiatives des autres, partager les bonnes pratiques, s'allier et agir ensemble ? Donc là, on est en train de voir comment on peut créer des plateformes de rencontres qui permettraient justement ces rapprochements, ces coalitions d'acteurs. Alors, on est aussi avec la délégation Internet, puisqu'il y a une délégation Internet. Donc, ce sera une territorialité, mais même plus spatiale, mais aussi numérique. On pense qu'il y a aussi l'importance de connecter les gens réellement. Donc, il y a l'importance de faire des forums numériques, mais aussi des forums réels avec des workshops, etc. Donc, c'est peut-être une forme de nouvelle territorialité fondée sur des réseaux, en fait, plus que sur des frontières. Les États-nations négocient dans un monde riche où il n'y a que des hommes, vieux, blancs, autour de la table. Thank you. Yes. Fellow economy persists. Big daddy technologies to save the world. Go, Captain Planet. Go. L'interdépendance plutôt que l'hyper-individualisme. La réciprocité plutôt que la domination. La coopération plutôt que la hiérarchie. Rien n'est plus à la bonne échelle. Théâtre des négociations! Make it work. Let it work. Make it fail. Make it stop. Let it stop. See it work. Make it work. Mesdames, messieurs, bonsoir. Cérémonie de clôture. Merci à tous d'être venus aujourd'hui aussi nombreux. Je vous prie de m'excuser pour le bruit qui est derrière moi avec les étudiants qui viennent de terminer la négociation. Nous avons réussi à trouver un accord il y a à peine quelques minutes, après une longue nuit de travail. Nous allons donc assister pour la première fois à la signature de cet accord. Ensuite, je donnerai la parole à la présidente de la négociation, Jennifer Ching. Ensuite, nous vous proposerons d'avoir trois étudiants qui vous présenteront des propositions concrètes d'outils possibles à utiliser pour repenser nos formats de négociation. Good evening. Bonsoir. Dear parties to the conference. Chers parties de la conférence. Honorable delegates and esteemed guests. Chers délégués et très chers invités. Well, I guess we finally made it work. Eh bien, je crois qu'on a réussi à le faire marcher. Before I begin, I would first like to give a few words of thanks to everyone who has really helped put this together. We're very thankful for Bruno Latour and Laurence Toubiana for giving us this opportunity. Avant que nous commencions, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui nous ont permis de réaliser cet événement, comme Bruno Latour, Laurence Toubiana. I'd like to thank Frédéric, Henri and Mathilde for really guiding us throughout this whole process and helping us when we're freaking out. Je voudrais aussi remercier Frédéric Aitwati, Henri Landès et Mathilde Dimmer pour avoir réussi à nous maintenir ensemble et nous avoir soutenus dans les moments où on a totalement flippé. And of course, I'd like to thank the theater for providing us with this wonderful venue where we can actually really innovate and do really interesting things. So thank you so much. The logistics was really hard. Et bien évidemment, je voudrais remercier le théâtre sans qui cet événement n'aurait pas eu lieu et grâce à tous les outils qu'ils ont mis à notre disposition pour pouvoir innover dans ce processus. I would like to thank all the delegates on the stand for coming. Some of them have come from Beijing, some of them have come from New York, some of them have come from Australia. So that's a really, really long way and it was a lot of effort. So, but even that, even the ones coming from Paris and Nanterre, that's also a little bit of effort. So, so really thank you all of you. It was really such an amazing experience to work with all of you. I think we all made some new friends as well. Et je tiens aussi à remercier tous les délégués qui ont participé à l'événement, qui viennent tous pour la plupart de très loin, comme de Pékin, de New York, d'Australie, et même les Parisiens pour qui c'est un petit trajet à faire pour venir jusqu'à Nanterre. After almost 1 week of intense discussion, après presque une semaine d'intenses discussions, nous avons vu un processus de négociation rempli de technicité, de protocoles, de règles, qui nous empêchent d'arriver à une vision commune. Ces technicités nous ont prouvé la nécessité de repenser nos modèles d'expression, de langue et de format. We are made of multiplicity. Nous sommes faits de multiplicité. We are a many. Nous sommes plusieurs. And therefore, we are et pour cela, nous sommes empêtrés dans nos contradictions. However, we have been toutefois, nous able avons to réussi reach à atteindre un compromis. A compromise that un compromis takes into consideration qui prend en compte et en considération de nouveaux acteurs. Agencies that de nouveaux are not acteurs locked by the nation state qui ne sont pas bloqués par le régime d'État-nation, mais plutôt that we depend upon. Par les nécessités d'alliances qui nous dépassent, oceans, telles que l'océan, soil, les sols, l'atmosphère, oil, les ressources forest, inexploitées, la forêt, nos communs. Nous avons recréé la définition de territoire. Territoire défini par l'écosystème plutôt que par les frontières nationales. Ces territoires sont en crise et cela nous demande de redéfinir nos limites planétaires. Ce processus a souvent été empêché par des crises et des désaccords. La planète bleue n'unifie pas, elle divise. Toutefois, afin d'éviter un écocide, nous avons compris qu'il était nécessaire de recomposer, de repenser nos politiques publiques, de repenser les modèles des gouvernances climatiques. Nous espérons que nous pouvons comprendre comment mieux enrichir ce modèle classique de négociation. Les négociations sont maintenant terminées, mais ceci est juste un début, un point de départ. Ceci n'est pas un discours de clôture. Ceci est un nouveau départ, un réel début. And yes, now I will give the floor to the secretariat so that they may call upon. Maintenant, nous pouvons donner la place au secrétariat afin de signer cet accord. So, delegation of Algeria, you may come first to sign the agreements. Delegation of Amazon. The delegation of Atmosphere. The delegation of Australia. The delegation of Bangladesh. The delegation of Brazil. The delegation of Canada. The delegation of China. The delegation of cities and regions. The delegation of refugees. The delegation of. Bonsoir. Il y a une semaine, lorsqu'on a commencé la négociation de Make It Work, notre objectif principal, c'était de proposer une autre manière de réaliser les négociations climatiques internationales. La semaine a été longue. On a eu des hauts et des bas, on a eu des moments d'effervescence, des moments où on a un peu désespéré. Et finalement, on a tous beaucoup appris, tant sur les négociations climatiques que sur nous-mêmes. Notre objectif initial, c'était donc de penser autrement les négociations climatiques. Et pour ça, on avait tout. Pour la première fois dans l'histoire des négociations, des entités non étatiques et même non humaines étaient représentées. Et elles pouvaient s'exprimer dans cet endroit inconventionnel aussi, un théâtre. Et pourtant, lorsqu'on a vraiment commencé les négociations, on s'est heurté à un obstacle de taille, c'est que même les entités non étatiques, non humaines, s'exprimaient avec des intérêts spécifiques et avec les mêmes moyens finalement que les États. Et certains des délégués se sont retrouvés confrontés à ce cadre légal qui bloquait la créativité et ont décidé d'essayer autre chose. Alors pendant que la majorité des délégués continuaient de travailler sur le texte légal très réussi qu'on est en train de signer, d'autres ont voulu essayer d'autres manières de négocier, sortir du cadre conventionnel de l'UNFCCC qui a conduit souvent à des échecs, comme à Copenhague. Et en voulant sortir de ce cadre, on a voulu essayer d'autres choses, d'autres manières. On s'est séparés donc en entités et non plus en délégations. Et là, à nouveau, on s'est heurté à un échec. Même en tant qu'entité, nous n'arrivions pas à nous mettre d'accord sur une vision commune globale. Mais en fait, il est impossible d'avoir une vision commune globale du futur alors qu'on ne peut déjà pas avoir de vision commune globale du présent. En tant qu'entité, en tant que forêt, en tant que Chine, nous avons des visions, nous avons des préoccupations qui sont différentes et qui nous empêchent d'avoir cette vision commune globale. Mais ces différences sont aussi notre richesse. Alors du coup, on a commencé à penser autrement. On s'est dit que ce qui bloquait, c'était pas les acteurs qu'on mettait autour de la table. Ce qui bloquait dans les négociations, c'est pas simplement la structure légale dans laquelle on négocie. Ce qui le bloque aussi, c'est peut-être ce besoin qu'on a à sans cesse chercher le consensus, un accord consensuel. Alors on a commencé à penser à plusieurs niveaux. Pourquoi simplement réfléchir au niveau hiérarchique, vertical, une gouvernance globale qui permettrait de nous donner un cadre à tous dans lequel on pourrait agir en faveur du climat, et on s'est dit, pourquoi ne pas penser aussi de manière horizontale, où chaque entité aurait le pouvoir d'en rencontrer une autre, pour parler concrètement, où une ONG pourrait rencontrer une ville et rencontrer un peuple indigène, et ensemble trouver des solutions. Chacun ferait partie de la solution. Quand on a commencé la cérémonie d'ouverture, toutes les délégations derrière moi étaient consensuelles. Toutes ont dit que le changement climatique existait, que le changement climatique avait des impacts et qu'il allait falloir agir contre le changement climatique. Donc on a réussi à trouver un consensus. Mais au moment de savoir qu'est-ce que signifie agir, on n'en trouvait plus. Alors on s'est dit, le consensus on le trouvera dans les négociations pour acter des principes généraux et il faudra trouver les solutions de manière horizontale en faisant cohabiter, corréler ces entités et qu'elles aient des accords, non pas consensuels, mais des accords mutuels, des accords, des partenariats, où elles agiront dans l'initiative vers le but qui est celui de l'action et pas celui de la négociation ni de la décision. Et on a donc fait une déclaration pour toutes les entités, et les entités pourront donc se reconnaître autour de cette délégation et se réunir pour agir. Merci. Merci. Thank you. Dear Mrs. President, dear fellow delegates, Madame la Présidente, chers délégués, guests, chers invités, standing here today, être ici aujourd'hui in this theater, dans ce théâtre and seeing you et vous voir tous réunis nous remplit d'espoir. This week, we have been negotiating Cette semaine, in order to present nous avons négocié pour présenter des solutions innovantes pour faire face au changement climatique. We do appreciate the work that has been done Nous reconnaissons le travail accompli. And we acknowledge the efforts put in the official resolution by the delegates. Yet, we did fail in a deadline. Mais nous pensons qu'il faut aller plus loin. This is why we tried to experiment new ways. C'est pourquoi nous avons essayé d'expérimenter de nouvelles manières de négocier. And we are full of pleasure that the several parallel processes of negotiation that Nous souhaitons vous présenter ces résultats seem to have mutually inspired all qui ont inspiré de nombreux délégués. After having heard the outcome of the official negotiations, we would like to present you the outcome of our work. This is not a presentation nous voudrions donc, that fits et nous sommes ravis de vous présenter le résultat de notre travail. But a declaration that should C'est là you une déclaration qui devrait vous inciter à croire en votre pouvoir de faire changer les choses. You are not powerless. Vous n'êtes pas démunis. So what we have been trying so far. Voilà ce que nous avons essayé de faire dernièrement. Nous avons un niveau global et un niveau local où se situent les territoires étatiques et non étatiques. L'idée ici est de faire converger ces deux mondes, du local vers le global, afin qu'ils se rencontrent dans un consensus. Cela devrait gouverner et convenir à chacun, aux États. Le dilemme, c'est ou bien trouver un consensus qui réponde aux objectifs des deux degrés, ou bien ne pas du tout trouver de consensus. Dans tous les cas, nous sommes foutus. Et nous n'avons rien à perdre. Donc soyons courageux. Donc soyons fous même. Ayons confiance. Voici notre vision. Reconnaissant désespérément qu'il n'est pas possible de trouver un quelconque accord consensuel limitant le changement climatique en deçà de l'objectif des 2 degrés Celsius à travers la définition de lois internationales, la communauté globale a décidé qu'un organisme régulateur au pouvoir ne serait peut-être pas la solution aux problèmes auxquels l'humanité doit faire face en 2015. Un petit groupe de délégués représentant des acteurs non étatiques, étatiques, soi-disant pays développés et en développement, acteurs privés et publics, a décidé d'explorer de nouvelles opportunités et de nouveaux intérêts mutuels. Nourris par cet idéal, ils sont arrivés avec l'idée selon laquelle chaque entité, chaque délégation, connaît le mieux ce qui lui permet de répondre à ses propres besoins et ne voudrait ainsi pas être contrôlé par un gouvernement mondial. Ils ont réalisé que l'approche paternaliste a produit une société civile cherchant des politiciens, attendant qu'ils agissent pour eux. Et ils ont posé la question la moins orthodoxe qui soit. Que se passerait-il s'il n'y avait ni règles, ni régulations? Est-ce que la société civile ne serait-elle pas justement encouragée à agir par elle-même, tandis que nulle entité ne serait forcée à accepter sa propre fin? Le désespoir les a poussés à faire confiance. Mais alors, de quoi auraient besoin les acteurs souverains pour coopérer, pour partager les meilleures pratiques? Une coordination professionnelle internationale jamais vue auparavant est née. Et ils sont ainsi enthousiasmés à l'idée qu'un organisme de coordination internationale dans lequel des scientifiques, des politiciens, ensemble, évaluent, améliorent et répandent les meilleures pratiques auparavant inventées et partagées par les acteurs locaux pourrait être créé. C'était beaucoup plus que le changement climatique. C'était beaucoup plus que de penser au futur. C'était penser des outils pour le présent. Puisqu'il n'y avait plus rien à perdre, ils ont créé cette plateforme internationale où les innovations sociales et techniques sont encore, en 2050, structurées, étiquetées, repensées, répandues. Et ainsi, un fermier au Sahara ayant fait pousser des cultures à faible consommation d'eau partage son savoir avec le ministre de l'Agriculture australien. Un think tank européen ayant développé des techniques de manufacture pour la production de nouveaux tissus rare wash en lin est un exemple pour un jeune entrepreneur ouzbek. Et les communautés japonaises sont inspirées et aidées par les populations indigènes des Andes réalisant le Buen Vivir. Tous ces acteurs sont persuadés que nous avons besoin de confiance et non de rigueur, que nous devrions arrêter de nous perdre dans la compétition, mais créer un espace de rencontre au même niveau en utilisant le potentiel prometteur d'Internet. Pour visualiser cela, à nouveau, nous avons le niveau global et le niveau local. Un fermier dans le Sahara a fait pousser des cultures à faible consommation d'eau. Il partage son savoir avec l'organisme de coordination internationale. Celui-ci propage l'idée au ministre de l'Agriculture australien et au maire d'Almeria, sachant que eux aussi luttent contre la pénurie d'eau, facilitant le processus coopératif de travail, ainsi que sa diffusion élargie. Thank you. C'était Make It Work, le théâtre des négociations. Conférence d'ouverture et cérémonie de clôture. Enregistrée en public les 29 et 31 mai 2015 au théâtre de Nanterre-Amandier. Conception. L'école des arts politiques de Sciences Po, autour de Bruno Latour et de Frédéric Aitouati, en liaison avec le groupe Make It Work de Sciences Po, avec Laurence Toubiana et Mathilde Immer. Ce projet a été mis en œuvre par le metteur en scène Philippe Ken, avec l'ensemble des équipes du théâtre Nanterre-Amandier et le collectif d'architectes Chrome Labor Berlin. Et avec le concours de la Parsons School of Design, de l'École nationale d'architecture de Paris-Malaquais, de l'IDRI, Institut du développement durable et des relations internationales, et du Think and Do Tank Climates. Avec les étudiants de Sciences Po Paris, Dijon, Le Havre, Nancy, Poitiers, Reims, les écoles et universités françaises AgroParis Tech, Paris School of Economics, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Mines Paris Tech, Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris 2 Panthéon-Assas, Paris 13 Sorbonne-Cité, Paris Ouest Nanterre-La Défense, Paris 8 Saint-Denis-Vincennes, Télécom Saint-Étienne, HEC Paris, École Normale Supérieure, École Polytechnique, ENSAE, UPMC. Les écoles et universités étrangères. Au Royaume-Uni, London School of Economics, University of Kent, City University of London and Architectural Association. En Russie, EVSP Russia, Moscow State Institute of International Relations and EUSP. Aux Pays-Bas, Delft Technical University, University of Amsterdam and Leiden University. Aux États-Unis, État de Californie, Skyline College, California State University Northridge, University of Southern California et University of California. Au Canada, Carleton University et Simon Fraser University. Au Brésil, University de São Paulo et Saitera State University. Aux États-Unis, État de New York, Columbia University. Au Japon, Tokyo University. En Allemagne, Folkwang University of the Arts. En Chine, Tsinghua University. En Australie, University of Sydney et le programme Erasmus Mundus de la Commission européenne. Prise de son, montage et mixage, Bernard Legac et Clotilde Thomas. Assistante à la réalisation, Clémence Bûcher. Réalisation, Laurence Courtois.